السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة أن جمعنا للقاء جديد لدراسة كتاب الحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. فيقول المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عشر، لتخزيم حديث دبقي أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه لمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي: L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que jusqu'à ce qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith que nous avons entre les mains fait partie des immenses hadiths montrant les mérites de l'islam et de ses partisans, et des hadiths venant montrer que l'islam appelle à toute réforme entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala, tout comme il appelle à toute réforme entre le serviteur et le reste des serviteurs, et toute bienfaisance des serviteurs les uns envers les autres. Le noble savant, le cheikh Abdel Mursin al-Abbad, hafidhahullah, nous rapporte de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, en commentaire de ce hadith, ses propos, qui nous dit: et le hadith de Anas, donc celui que nous avons entre les mains, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour sa personne. Il nous dit, rahimahullah, ce hadith montre que le croyant se réjouit de ce qui réjouit son frère croyant, et qu'il désire pour son frère croyant ce qu'il désire pour sa propre personne comme bien. Et certes, tout cela ne peut provenir que d'une complète pureté de la poitrine quant à la rancœur, la tricherie et la jalousie. Car certes, la jalousie implique que la personne jalouse déteste être devancée par quiconque dans le bien, ou bien d'être égalée par quiconque. Car il aime se démarquer des gens par ses mérites et se les accaparer en dehors des autres pour lui seul. Alors que la réelle foi implique ce qui est contraire à cela. Elle implique le fait que tous les croyants soient égaux à lui dans ce qu'Allah lui a accordé comme bien, sans que cela ne diminue en rien ce qu'il a reçu lui comme bien. Et il nous dit, rahimahullah, plus loin. Et en résumé, il incombe aux croyants d'aimer pour ses frères croyants ce qu'il aime pour sa propre personne, et de détester pour eux ce qu'il déteste pour sa propre personne. Et s'il voit en son frère musulman un manquement dans sa religion, il fait des efforts pour corriger cela. Intaha kalamuhu rahimahullah. Fin de citation des propos de Ibn Rajab rahimahullah. Donc ce hadith nous montre qu'il incombe au croyant d'aimer pour son frère croyant ce qu'il aime pour sa propre personne, comme profit, intérêt religieux et mondain. Tout comme il se doit de détester pour ses frères croyants ce qu'il déteste pour lui-même, comme mot et comme chose détestable dans la religion et dans la vie mondaine. Et cela, certes, ce niveau ne peut s'obtenir qu'à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, puis par le fait que le croyant accourt à la correction et la purification de son âme de toute mauvaise maladie, comme la rancœur, la jalousie, la tromperie, l'orgueil et autres maladies de ce genre. Et parmi ce qui va aider le serviteur à cela, le fait de méditer sur la réalité de ce bas monde, qui n'est en réalité qu'une demeure trompeuse, comme l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala, et une demeure d'examen, à travers laquelle le croyant peut, s'il réussit cet examen et cette épreuve, aspirer à obtenir les immenses récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparées et réservées dans l'au-delà. Car le fait de méditer sur cela, sur la réalité de ce bas monde, poussera le serviteur, sans aucun doute, à délaisser toute envie d'élévation et de transgression sur terre. Mais à l'inverse, cela le poussera à se montrer humble et bienfaisant envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela en espérant pour eux la réussite qu'il espère pour lui-même, et en espérant pour eux tout bien qu'il espère pour lui-même, et à l'inverse, en détestant pour eux tout mal qu'il déteste pour sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, cette demeure de l'au-delà, nous la réservons pour ceux qui ne veulent ni élévation sur terre, ni corruption. Et la bonne fin appartient aux pieux. Et la bonne fin appartient aux pieux. Surat al-Qasas, verset 83. Il a été rapporté de Fouda ibn Iyad, rahimahullah, en explication de ce verset, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette demeure de l'au-delà, nous la réservons pour ceux qui ne veulent ni élévation sur terre, ni corruption. Il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire que la personne ne désire pas que ses chaussons soient meilleures que celles d'autrui, ou que ses lacets soient meilleurs que ceux d'autrui. Donc en aucun cas la personne ne veut d'élévation sur terre. Ibn Rajab, rahimahullah, nous dit, il a été dit que cela a pour sens, donc la parole Ibn Rajab, le cas où la personne désire par cela se vanter, se faire gloire, et non simplement le fait de s'embellir. Car certains hadiths montrent que le fait de s'embellir, de vouloir par cela profiter des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux serviteurs, n'est pas une chose de blâmable. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Certes, Allah est beau et il aime la beauté. Subhanahu wa ta'ala. Et il rentre parmi le fait d'aimer pour son frère ce que l'on aime pour notre propre personne, le fait de se comporter avec les gens de la manière que l'on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Comme il a été rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque souhaite être écarté du feu et entrer au paradis, que quiconque souhaite être écarté du feu et entrer au paradis, fasse en sorte de mourir tout en étant croyant en Allah et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait que l'on se comporte avec lui. Et parmi les fawaïd de ce hadith, nous avons la mise en garde contre la jalousie, qui est le fait que la personne déteste le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé un bienfait à autrui. Et celui donc dont ceci est l'état, le fait qu'il déteste les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à autrui, se doit de se repentir et d'accourir aux causes lui permettant de délaisser ce mauvais caractère. Comme le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de la personne pour laquelle il éprouve de la jalousie, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala constamment de l'épargner de le guérir de cette maladie. Car le fait d'éprouver de la jalousie ou bien de détester un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à autrui va à l'encontre du fait d'aimer pour son frère ce que l'on aime pour nous-mêmes. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même n'est pas véritablement croyant. Donc sa foi aura des manquements. Et quant au fait d'espérer avoir un même bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait part à son frère croyant, sans vouloir pour autant que ce bienfait disparaisse de son frère, alors il n'y a pas de mal dans cela. Comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jalousie dans deux choses. Ce qui est voulu ici par le mot jalousie, comme le cite les gens de science, est le fait de vouloir le même bienfait que son frère sans vouloir que celui-ci disparaisse de lui, qui est appelé en arabe al-ribta. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'y a pas de jalousie dans deux choses. Il n'y a pas de jalousie si ce n'est dans deux choses. Un homme à qui Allah a accordé une richesse qu'il s'efforce de dépenser dans le vrai, et un homme à qui Allah a accordé la sagesse, c'est-à-dire la science et le fiqh dans la religion avec laquelle il juge et enseigne. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète Hassan nous montre que le fait d'espérer et de vouloir avoir un bienfait qu'Allah a accordé à son frère sans pour autant vouloir que ce bienfait disparaisse n'est pas une chose bien blâmable. Bien au contraire, il est demandé aux croyants de se concurrencer dans le bien et de constamment regarder toute personne se trouvant au-dessus de lui, point de vue religieux, point de vue mérite. Quant au point de vue mondain, il lui est demandé de regarder les personnes se trouvant en dessous de lui. Comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que celui que chacun d'entre vous regarde ceux qui sont en dessous de lui, ceux qui sont en dessous d'eux, ou bien ceux sur qui ils ont été préférés, car cela est plus amène à ce que la personne ne méprise pas les bienfaits d'Allah sur lui. Ou comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith pousse aussi le croyant à constamment corriger son intention, en espérant constamment le bien et en ayant constamment l'intention de vouloir le bien pour sa personne et pour le reste des croyants. Car par cela, il sera récompensé bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala pour sa bonne intention. Et cela, même s'il n'obtient pas le bien qu'il a voulu accomplir. Cela, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense, de combler nos manquements, de pardonner nos fautes, de réformer nos cœurs et nos actions, de nous accorder subhanahu wa ta'ala une science profitable, il est certes l'audient et l'omniscient. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.